Acte 6. Quelque temps après, à Schönbrunn, dans la chambre du duc, sombre mais somptueuse, chambre de malade, où le docteur et le général Hartmann, qui s'est depuis toujours occupé du duc, causent à voix basse. Le duc est là, amaigri et abattu, les cheveux longs. Entre l'archiduchesse, la jeune tante du duc. « Votre malade, est-il raisonnable, docteur ?»« Oui, maintenant, il prend bien son lait. » « Quel bonheur! Ah, c'est gentil! Ah, c'est... » Le duc. « Ah, c'est dur tout de même d'être, lorsqu'on rêva la louange suprême de l'histoire et qu'on fut une âme qui brûlait, louée pour la façon dont on prend bien son lait. » Puis l'archiduchesse invite le duc à communier avec elle lors de la messe qui commence dans un boudoir attenant à la chambre, en espérant que ce sacrement de communion ne sera pas le dernier. Mais entre alors dans la chambre du duc toute la famille impériale qui va donc l'entrevoir au moment de cette communion. Juste après cette communion, le duc paraît devant toute la foule et on lui amène son berceau, le berceau du roi de Rome. Le berceau dont Paris m'a fait don, mon splendide berceau dessiné par Prudhon. J'ai dormi dans sa barque au balustre de nacre, bébé dont le baptême eut la pompe d'un sacre. Approchez ce berceau du petit lit de camp, où mon père a dormi dans cette chambre, quand la victoire éventait son sommeil de ses ailes. Le berceau est maintenant contre le petit lit. Plus près, faites frôler le drap par les dentelles. Oh, comme mon berceau touche mon lit de mort. J'étais plus grand dans ce berceau que dans ce lit. Des femmes me berçaient. Oui, j'avais 3 berceuses qui chantaient des chansons vieilles et merveilleuses. Marie-Louise, au duc, il la repousse. « Mais je suis là, mon fils, pour essuyer vos pleurs. »« Non, laissez approcher les victoires, mes sœurs. Je les sens, ces glorieuses folles qui viennent dans mes pleurs laver leurs auréoles. »« Que dis-tu »« Qu'ai-je dit ?»« Je n'ai rien dit. »« Hein ? Quoi ?»« Non, rien. »« C'est un secret entre mon père et moi. » Il désigne le voile de dentelle du berceau. « Donnez !» Que de ce voile exquis je m'enveloppe pour pousser le soupir qui délivre l'Europe. Trop de gens ont besoin de ma mort, et je meurs d'avoir été tué tout bas dans trop de cœurs. Le duc demande alors au général Hartmann de lire le poème qui accompagna son baptême à Paris. Le général prend un livre et commence son récit. Il énumère alors toutes les personnalités venues rendre hommage au roi de Rome. Alors, quand le héros eut 3 fois dans le cœur crié « Vive le roi de Rome !» L'empereur, avant qu'on ne rendît l'enfant à sa nourrice, le prit entre les bras de... Il hésite en regardant Marie-Louise. Le duc. De l'impératrice. À ce mot qui pardonne et qui la recouronne, la mère éclate en sanglots. Le général Hartmann l'éleva pour l'offrir à l'acclamation. Le tédéum. Maman. Marie-Louise. François. Le duc. Napoléon. Le Tédéum emplit le vaste sanctuaire, et le soir même, dans la France tout entière, avec la même pompe, avec le même élan, le docteur touchant le bras du général Hartmann. Mort. Le général referme le livre. Metternich, vous lui remettrez son uniforme blanc.